à chaque fois qu'il prenait la barre, je l'ai vu grimacer des à toutes les fois, il grimaçait, ça faisait mal. Mais effectivement, le fait de changer cette technique-là faisait baisser un petit peu le levier, puis ça l'a fait une différence, là, c'est sûr. Là. Mais il a fait des sacrifices, puis ça... Il a payé le prix, il a souffert. Pour moi, William, là, c'est un champion. Il l'a confirmé. Il m'a confirmé c'est quoi que ça prend pour devenir un champion. Au niveau de la discipline, ça te payait des voyages deux fois par semaine à Jonquière. Il travaillait. Puis, c'était pas facile. William, il a payé le prix. Il a tout donné pour essayer d'être le meilleur dans sa discipline. Puis ça s'est décidé dans un dernier lever. C'est assez... Dès qu'hockey avait des matchs dans les différentes ligues qui nous intéressaient, d'abord, les Bleus ont défait les Vétérans 7-4, Old Panthers 7, Intersport 4, le Multiconcessionnaire a défait 8-0 les Bombois et Verdicno de 4-4 entre les Ducks et Ferdex. Maintenant, au soccer, dans les différentes catégories, U16 féminin, Dolboom Stassigny a gagné 4-2 sur le FC de Robertval. Senior masculin, le FC de Robertval a gagné 3-2 sur le Chinook de Chicoutimi. Et en catégorie U16 masculin, le FC de Saint-Félicien et de Debeau-Sessin se sont livrés un verdict nul de 4-4. Maintenant, bonne nouvelle pour Cassandra Bradette de Saint-Félicien, elle a un nouveau partenaire financier. Il s'agit de Bilodeau Canada. Donc, elle va évidemment travailler à... Les deux vont travailler ensemble et Cassandra Bradette va porter l'effigie de Bilodeau Canada sur toutes les uniformes de patinage de vitesse pour la prochaine année. Au golf, bonne performance de Dave Dumas de Saint-Prime qui a terminé en troisième place dans la catégorie 2A lors de la troisième compétition qui s'est déroulée à Ville-Saguenay dimanche. Notons également un autre golfeur de Saint-Prime qui a bien fait, c'est Jean Lamotte qui a joué 73 pour remporter la victoire. Tant qu'à Roch Larouche de Saint-Prime, il a très bien fait avec une ronde de 87 pour signer un triomphe. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Évidemment, il est encore beaucoup question de la performance de William Veilleux qui a bien fait. William Veilleux qui a bien fait lors de la compétition qui se déroulait en Russie où il a remporté la médaille d'or et un nouveau record du monde. On a parlé hier avec son entraîneur Joël Bouillane Desgagnés et le père de William Veilleux, Harold Veilleux. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.